J'ai toujours détesté ceux qui représentaient l'État, les députés, les ministres et l'Assemblée du Sénat. Ce système me fout la haine, je rêve d'une révolution. Ceux qui règnent, craignent, sont contre notre évolution. Donc manifestons ensemble notre mécontentement envers l'État, les dirigeants et ce putain de gouvernement. Ici c'est le sarcophage, nos cerveaux pris en otage. Formatage de tes idées, de ton mode de pensée, de l'Élysée. Écoute, le peuple crie et ça rage. Rêve de voir Sarko en face et de lui mettre un plaquage. On en a marre d'être manipulé par tes médias. Babylone, on va te brûler, que tu sois d'accord ou pas. Bienvenue dans la lutte, bienvenue dans l'ère révolutionnaire. Mets ton majeur en l'air quand un capitaliste veut faire taire. Tout soumis par leur opium qui nous endort un maximum. Ça fout le seum, finalement on se la prend tous dans le rectum. Vous nous avez marginalisés, vous nous traitez d'extrémistes. Car on ne se soumet pas à vos lois, notamment celles racistes. Les fascistes sont au pouvoir, ils nous balancent des pauvres. D'après eux t'as aucun droit, t'as que des devoirs. Croire en ce monde j'ai essayé, maintenant j'ai du mal. Total fait des bénéfices et licencie quoi, c'est normal. Un système sans faille ça n'existe pas, mais ça n'excuse pas tout. La misère est partout, les patrons sont des voyous. Les députés se foutent de nous et ils s'étonnent qu'on sent pas les couilles des élections. Pour qui je vais voter personne, c'est tous des bouffons. Sachez qu'on n'est pas des numéros, on a tous un cerveau. Je lance un appel à prolo, faut donner du boulot au CRS. Grève générale, manif sauvage, vous êtes en stress, on continue. Non, on le remettra une cartouche plus tard. Je vais finir sur le refrain qui annonce plusieurs sons du même type avec le même thème. Tant qu'ils arrêtent pas, moi non plus je lâche pas l'affaire. C'est du rap de militants engagés, c'est du rap de résistants enragés, c'est du rap anticapitaliste, c'est du rap qui emmerde des racistes.